Je t'aime, je l'ai su dès que je t'ai vu. Tu restes dans mon cœur, un amour enfantin, un premier amour, mon premier baiser, ma première satisfaction, mais aussi ma première déception. Tu fus ma première fois et tu le resteras, gravé dans la roche, gravé dans mon cœur, de ces lettres rouges.